Rien de plus normal pour l'homme que de conquérir de nouveaux territoires. Lorsque notre bonne vieille Terre a déjà été explorée, ou presque, il est normal que l'homme scrute les étoiles en espérant un jour y accéder. Ainsi naquit la conquête spatiale, chaque nation voulant aller décrocher les étoiles, menée en tête par les États-Unis et l'URSS. Comme chaque phénomène de société s'apprivoise aussi par le divertissement, il est normal également d'avoir eu pléthore de chansons nous narrant de folles aventures spatiales, des bizarreries de l'espace. Alors enfilez votre combinaison, accrochez votre ceinture et calez-vous bien au fond de votre siège. Décollage. Pourquoi la baise ? Non. We are in France. We speak French. Ok ? C'est d'être conscient de la supériorité de la langue française. You are so French. Quoi la baise ? Maintenant, attaquons-nous à du consistant. Du très consistant, même. Ça va aller vite, tellement la tartine est complète aujourd'hui. On a peut-être été un peu trop vite. Reprenons. David Bowie, officiellement David Robert Jones, naît le 8 janvier 1947 à Brixton, dans la banlieue de Londres. Il s'intéresse d'abord au jazz et aux poètes de la Beat Generation, avant de succomber au rock'n'roll. Car personne ne peut y résister. Il intègre les Conrad en 1962, où il joue du saxophone. C'est à cette période qu'il reçoit un mauvais coup sur la tête qui le marquera à vie. Une révélation ? Une épiphanie ? Une apparition ? Une pupille dilatée. Son regard étrange sera une marque de fabrique. David Bowie, l'artiste Véron. Après avoir été dans plusieurs formations en tant que chanteur, il devient David Bowie, en sortant son premier album solo éponyme en 1967. Ça veut dire que le nom de l'album est le même que le nom de l'artiste. C'est après ce premier album qu'il va devenir le grand David Bowie. Il commence à collaborer avec Tony Visconti, un ingénieur du son américain qui lui produira 11 albums, et il prend des cours de mime avec Lindsey Kemp. Artiste complet. Il ne lui manque qu'un hit, et le hasard faisant bien les choses, il arrive à l'été 1969 avec Space Oddity. À cette occasion, il développe son apparence androgyne avec Angela Barnett. Et c'est exactement ce tube qui nous intéresse. Oui, mais Bowie. Sa carrière artistique est tellement complète que ce sera assez dur de vous la résumer ici sans vous l'enfoncer dans le crâne avec un chausse-pied. Ah, et si on faisait une petite liste exhaustive ? Non. Pour résumer le monsieur, il faudrait à la fois parler de sa musique, de ses personnages, de ses collaborations musicales, de ses énormes tournées, mais aussi de sa carrière au cinéma et au théâtre, de son introduction de ses titres en bourse pour 55 millions de dollars, de son accident vasculaire après lequel il met sa carrière de côté, et puis de son retour hallucinant en 2013 pour enfin finir sur la sortie de Black Star et de sa mort en janvier 2016. Donc non, pas de liste exhaustive. Et pourtant... Mais on va parler de Space Oddity, et il y a beaucoup à dire dessus en plus. L'album homonyme sort en 1969. Ça veut dire que le nom de l'album est le même que le nom du single. Et inverse. C'est le deuxième album de Bowie et c'est un échec commercial, malgré le succès du single. C'est avec l'album suivant, Ziggy Stardust and the Spider from Mars, que Space Oddity est réédité et se classe 17ème des ventes au Royaume-Uni. La chanson est quant à elle un énorme succès, le premier d'une longue série pour Bowie. Le titre signifiant bizarrerie de l'espace renvoie au film de Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. Space Odyssey, Space Oddity, tout le monde là ? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Sitting in a tin can. Le texte raconte un dialogue entre un jeune astronaute, le Major Tom, et le contrôle au sol, Ground Control. Après un décollage parfait, le Major Tom fait une sortie dans l'espace, mais à son retour, il fait face à un problème technique. Il se résout à son sort, celui de déambuler dans sa petite capsule dans l'espace. La liaison coupe entre l'espace et la Terre, laissant présager une mort certaine pour le Major Tom. Ici Ground Control, 2 secondes de silence en l'honneur du Major. Merci. C'est la première fois que Bowie utilise le thème de l'espace avant d'en faire un album concept. Il retranscrit l'épopée spatiale par une spatialisation du son toute particulière. Le chant est enregistré 2 fois pour créer une harmonie et les voix s'entremêlent sur des pistes stéréo avec des instruments passant de gauche à droite. Dit comme ça, c'est un peu réducteur, mais en écoutant cette chanson avec attention, tous les sons sont en lévitation. Ils sont lointains, mais au milieu du vide sidéral, chaque vibration vient vous caresser délicatement les tympans. Si loin et si proche pourtant. Rien d'étonnant qu'elle soit utilisée par la BBC lors de la diffusion de l'alunissage d'Apollo 11. Rien que ça. Elle est aussi jouée sur l'autoradio de la voiture Tesla, lancée en orbite en 2018. Parce que oui, lancer une fusée pour envoyer une voiture électrique en orbite conduite par un mannequin qui écoute Space Oddity en boucle, bah ça existe dans ce monde. C'est une chanson iconique de David Bowie qui se classe numéro 1 en France à sa mort, la première fois qu'il atteint le sommet du top 50. Le dernier hommage en quelque sorte. Cela dit, certains n'ont pas attendu sa mort pour lui rendre hommage, car l'ami Gérard Palapra nous a gratifié d'une super version française. Comment ça? Vous ne connaissez pas Gérard Palapra? Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements. Gérard Palapra est un chanteur et acteur français né le 12 juin 1950. Il rentre à 12 ans à l'école du spectacle où il continue ses études de violon et débute l'art dramatique et le chant. Il enregistre un single qui lui ouvre les portes du Petit Conservatoire de Mireille. Une émission de radio puis télévision. Il grandit et garde un attrait certain pour le monde du spectacle, se distinguant aussi bien dans des pièces de théâtre que dans des films, comme dans Trans-Europe Express, un film d'Alain Robbe-Grillet. Il s'attaque ensuite à la comédie musicale avec le spectacle Les Fantastiques, où il joue le rôle d'un muet. Donc on vous laisse une seconde pour chercher l'intérêt d'un chanteur jouant le rôle d'un muet dans une comédie musicale. C'est bon ? Mais c'est dans la version française de R en 1969 qu'il se démarque aux côtés de Julien Clerc, Gérard Lenormand et Carlos. Entre autres. Après l'aventure R qui dure 3 ans, l'ami Palapra se lance dans une carrière musicale solo en signant chez AZ et sort plusieurs disques, dont Pour la fin du monde et Fais-moi un signe. En bref, Gérard Palapra était un hippie, un vrai, avec les cheveux longs, la barbe et qui joue de la sitar. Un fumeur de joint. Il meurt des suites d'une longue maladie en septembre 2017. Ah, et j'ai oublié de vous dire, mais il est aussi Véron, comme Bowie. Un œil vert, un œil marron, Véron. Et comme Bowie, il a cherché à nous raconter son voyage spatial sous le titre Un homme disparu dans le ciel. Ça peut paraître con à première vue, mais finalement, ce n'est qu'une bizarrerie de l'espace. Vérifier la mise à feu, appareiller. Bien tour de contrôle à fusée. J'y tire. 3. Compte à rebours terminé. 3. Раз. Vous serez seul dans les étoiles glacées. Будьте осторожны. Effets spéciaux de dingue. C'est beaucoup trop long par contre. Ici tour de contrôle la fusée. Racontez-nous le ciel. La radio voudrait avoir de vos nouvelles. Avez-vous vu l'homme qui peint l'arc-en-ciel? Ici fusée à tour de contrôle. Les étoiles jouent le rôle. De perles d'oubli au cœur d'un roi qui se languit. Et je ris très fort, j'ai très peur, je revis. Mais seul dans ma boîte de conserve, seul je m'endors dans un monde fou. Le titre sort en 1971 sur l'album Fais-moi un signe sur la face B. Le texte signé Boris Bergman nous raconte relativement la même histoire que l'original. Cependant, ici, le jeune astronaute est anonyme. Exit le Major Tom. Et d'après le compte à rebours effectué au début, il serait même cosmonaute puisqu'il serait russe. Cela peut être une référence à Alexei Leonov, le premier homme à avoir fait une sortie extravéhiculaire dans l'espace, et qui a fait face à quelques imprévus. Tartine ta culture ! Cependant, ici, aucune référence à un problème technique, mais on peut presque avoir l'impression que l'ivresse de l'espace et de la solitude mènent à la dépression cet explorateur spatial. On peut le voir avec l'opposition du rire et de la peur qu'il subit en même temps. Donc tout devient bizarre, il compare les étoiles à des perles de pluie au cœur d'un roi qui se languit. C'est fort en métaphore! Sans compter la tour de contrôle, parce que dans l'original, Bowie n'insiste pas sur les changements de narrateur. L'auditeur comprend vite qui parle. Dans la production de Palapra, on insiste bien sur les changements. Ah putain, si je monte les gars, on croirait que tu parles dans une radio. Et merde à la fin, leur première question après le décollage, c'est de savoir si l'astronaute a croisé l'homme qui peint l'arc-en-ciel. T'énerve pas, tout le monde plane dans cette chanson. Et justement, c'est la vision d'un hippie sur le voyage spatial, donc c'est plein de métaphores et de couleurs. Alors c'est sûr qu'au niveau de la musique, malgré tous les efforts possibles, il était très compliqué de faire aussi bien que Bowie. Les techniques mises en place ne pouvaient pas rivaliser avec la stéréo de l'original. On saluera quand même ce solo de guitare final qui est très correct. La première écoute choque, mais à force de l'entendre, elle devient presque attendrissante. Ou alors c'est un Stockholm Syndrome. Chacun peut s'approprier une chanson, il suffit que la musique vous parle, fasse ressortir des émotions que vous aimez, que le texte ait un sens à vos yeux, et cette chanson sera plus qu'un titre diffusé à la radio pour vous. Il en est de même avec un chanteur, intense ou à peu, que plusieurs de ses chansons vous parlent, et vous avez l'impression qu'un lien vous unit, aussi inaccessible cet artiste soit-il. J'aime à penser que c'est ce qui est arrivé avec David Bowie et Gérard Palapra. Ils sont tous les deux verrons, sont tous les deux dans la musique et ont une formation d'artiste complet. Gérard Palapra a donc voulu lui rendre hommage et s'approprier un tout petit peu son succès. Ce n'est que pure supposition, mais il est bon de croire que des fois, les reprises VOSTFR ne se faisaient pas toujours pour une question d'argent ou de manque d'inspiration. On me dit dans l'oreillette que certains ont trouvé que ça allait trop vite. Bon, alors on reprend. David Bowie, officiellement David Robert Jones, naît le 8 janvier 1947 à Brixton, dans la banlieue de Londres.